Riffraff. Riffraff. Oh, mais c'est du rock'n'roll. Du gros son sur Radio Pont. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Pont, vous écoutez Riffraff. En ce début d'année, nous allons fêter un anniversaire. Nous allons célébrer les 50 ans de l'année 1970. Pour ce faire, je vous ai fait une petite sélection non exhaustive d'albums qui pour moi ont marqué l'histoire du rock. Et bien sûr, n'y extraire qu'un titre de ces chefs-d'œuvre a été un supplice. C'est pourquoi je vous encourage à tous les écouter en entier. La fin des années 60 et le début des années 70 ont été un tournant dans l'histoire du rock. On va commencer à y découvrir une évolution du blues et du rock vers le hard rock, le heavy metal et le rock progressif. A savoir qu'en 1970, hard rock et heavy metal étaient la même chose. On classait donc Led Zeppelin avec Deep Purple ou Black Sabbath. Black Sabbath qui en 1970 vont sortir leur premier album éponyme ainsi que le second Paranoid qui vont déterminer le symbole du courant heavy metal et être considéré comme le premier album metal. Enregistré en 3 jours avec un budget de 600 livres, Black Sabbath, la chanson et l'album sont considérés très obscurs car composés sur l'intervalle du triton, soit 3 tons. Cet intervalle qui à la fin du Moyen-Âge a été banni car jugé trop dissonant, ce qui lui a valu le doux surnom de Diabolus in Musica, soit le diable en musique. C'est en raison de cette association symbolique que dans l'inconscient collectif, le triton a été assimilé à quelque chose de diabolique, voire sataniste. Pour la petite histoire, la chanson Black Sabbath a été inspirée par une expérience du bassiste Geezer Butler, qui avait recouvert tout son appartement en peinture noire mate et accroché au mur des crucifix inversés et des photos de Satan. Ozzy a alors donné un livre de sorcellerie à Butler, qu'il a lu et posé sur une étagère à côté de son lit avant de dormir. Butler affirme qu'à son réveil, une longue silhouette noire était au bout de son lit et disparut ainsi que le livre offert par Ozzy. Après cette belle anecdote, on va passer à l'écoute de Black Sabbath par Black Sabbath sur l'album du même nom. We'll be right back. On passe maintenant au célèbre groupe porté par Jim Morrison, je parle bien sûr de The Doors, qui en cette année 70 sort son cinquième album, Morrison Hotel, qui en vérité porte un titre pour chaque face, Hard Rock Café pour la première et Morrison Hotel pour la seconde. D'ailleurs, pour les plus jeunes qui se demanderaient ce que je raconte en parlant de face sur des albums, dans des temps anciens, les disques étaient pressés sur des galettes de cire noire d'une trentaine de centimètres, et la musique était gravée sur chaque face, en général appelée face A et face B, ce qui la plupart du temps, du fait du format, offrait de belles pochettes d'albums. C'est le cas ici où sur la pochette, on voit les membres du groupe derrière la vitrine d'un vrai hôtel de Los Angeles portant le nom de Morrison Hotel. Cette photo a dû être prise à la va-vite car le gérant de l'hôtel refusait de donner l'autorisation de prendre son établissement en photo. Après de précédents albums très psychédéliques, Morrison Hotel fait office de brutal retour aux sources avec du rock pur et dur, et rien que le morceau d'ouverture Roadhouse Blues donne le ton. On y entend un Jim Morrison en grande forme et un groupe qui reprend plaisir à jouer ensemble. On s'écoute donc Roadhouse Blues de The Doors. Keep your eyes on the road you have to pound the wheel. Keep your eyes on. Les Rolling Stones, en 1970, sortent leur 11e disque britannique et le 15e aux États-Unis, qui est leur second album live, Get Your Yayas Out. Cet album retrace la tournée aux États-Unis de novembre 1969. Ce concert fut enregistré les 26, 27 et 28 novembre à Baltimore et à New York. Get Your Yayas Out est encore aujourd'hui considéré comme un des meilleurs albums live jamais enregistrés. Il contient beaucoup de classiques comme Jumping Jack Flash, Sympathy for the Devil ou Honky Tonk Woman, sur lesquels l'osmose entre les deux guitares de Keith Richards et Mick Taylor sont remarquables. L'historique solo de Sympathy for the Devil, joué successivement par Richards et Taylor, demeure l'un des moments forts de cet album. Et c'est justement ce titre qu'on va s'écouter. Allow me to introduce myself. Why I'm En 1970, le grand Jimi Hendrix nous offre un live mythique enregistré au Fillmore East à New York le 1er janvier 1970 avec un tout nouveau groupe intitulé Band of Gypsies. Si certains pensent que Band of Gypsies est un sommet, une des œuvres majeures de Hendrix, d'autres, qu'ils soient fans ou critiques, pensent le contraire. Jimi Hendrix lui-même, assez perfectionniste, dira même qu'il n'en avait jamais été satisfait et qu'il n'aurait jamais sorti l'album s'il n'avait pas été contractuellement obligé de le faire. Band of Gypsies est en tout 45 minutes infernales et bluesy comme Hendrix qui, sans le savoir, alors à la fin de sa vie, savait le faire. Donc un concert mythique et un album qui l'est tout autant. On va s'écouter Machine Gun. We'll be right back. On va maintenant parler du trio Crosby, Stills and Nash, qui pour leur deuxième album passe à 4 avec l'arrivée de Neil Young, pour nous offrir un album d'anthologie. Si parfait qu'on dirait un best-of et non un album entièrement composé. Déjà vu, fut disque de platine le jour même de sa sortie avec une sublime pochette dans le genre photo de famille du Far West. Cet album est considéré comme un album très démocratique vu que les deux musiciens de studio sont crédités sur la pochette au verso, ce qui pour des musiciens de studio est rarissime, et encore plus d'apparaître sur la pochette dans la photo de famille du groupe. Il est aussi démocratique dans le sens où l'album offre précisément deux chansons interprétées et écrites par Crosby, deux par Stills, deux par Nash et deux par Young, et les deux restantes sont collectives. On va s'écouter le titre Woodstock, morceau écrit par Joni Mitchell, alors qu'elle regardait la retransmission du festival à la télé, car bien que programmée, elle n'y est pas allée ayant peur de monter dans l'hélicoptère emmenant les artistes à Woodstock. C'est donc Crosby, Stills, Nash & Young avec Woodstock. Pour leur troisième album, sobrement intitulé 3, Led Zeppelin est très attendu. Après avoir assommé le monde de son empreinte indélébile avec leurs deux premiers albums et deux cataclysmes dans le monde du rock, le Zeppelin prend tout le monde à contre-pied avec cet opus. Alors que tout le monde s'attendait à un album encore plus bourrin que les deux premiers, seul le premier titre de l'album, Immigrant Song, est dans cette lignée. Car après plus d'un an de tournée, Jimmy Page, Robert Plant et leur famille décident de se retirer volontairement à la campagne, dans une petite maison, sans eau ni électricité. Et c'est là qu'ils composent une partie des morceaux de l'album, c'est pourquoi la guitare acoustique est beaucoup plus présente sur cet album. Le seul titre vraiment rock de cet album est donc Immigrant Song, qui fut inspiré durant cette longue tournée pendant un passage en Islande et qui s'inspire des Vikings et de leur mythologie. C'est donc Immigrant Song de Led Zeppelin. Deep Purple, qui en 1970, avec la sortie de l'album In Rock, va élever le niveau de ses précédents albums grâce à l'arrivée du chanteur-hurleur Ian Gillan et de l'imaginatif Roger Glover à la basse, et se placer sur le devant de la scène rock mondiale. Contrairement à leur précédent album avec In Rock, Deep Purple passe d'un siècle à un autre, en une seule année, et s'impose au même titre que Led Zeppelin ou Black Sabbath. In Rock est considéré comme un des meilleurs albums de l'histoire du rock, et on va s'écouter Speed King. We'll be right back. Alors là, attention, on est en présence d'un album hors du commun. Atom Heart Mother, cinquième album de Pink Floyd, qui fait entrer le groupe dans les années 70, et trois ans plus tard nous sortira le chef-d'œuvre Dark Side of the Moon. Mais en 1970, malgré quatre immenses albums, Pink Floyd n'est toujours pas immense. Car ce sont des albums jugés un peu trop complexes, avec des climats oppressants et pleins de tensions. Atom Heart Mother fait le pont avec la fin de ce genre et symbolise la fin d'une ère, tout en faisant entrer le groupe dans une nouvelle décennie. La façade de l'album est composée d'un seul morceau de plus de 20 minutes, une vraie symphonie. C'est d'ailleurs un des seuls titres de l'histoire du groupe où ils feront appel à un compositeur extérieur, car ici les Floyd n'avaient pas les capacités pour retranscrire leur musique. Atom Heart Mother est donc un album spécial, à la fois orchestral et acoustique. Pas vraiment le disque le plus conseillé pour faire découvrir le groupe, ça c'est sûr. Mais un album que tôt ou tard, il vous faudra écouter. Atom Heart Mother, que l'on pourrait traduire par « mère au cœur atomique », a été inspiré d'un article de journal parlant d'une femme équipée d'un stimulateur cardiaque nucléaire, pour l'anecdote. On va donc se quitter sur Atom Heart Mother de Pink Floyd. Si vous en avez la possibilité, asseyez-vous. Si vous êtes déjà assis, détendez-vous et profitez, parce que comme dit précédemment, il y en a pour un peu plus de 20 minutes. Bonne écoute, c'était Riff Raff sur Radio Pont. À bientôt. Merci.